C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre, l'ennemi contre plus forte et ton royaume.